La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On a tous été déçus d'apprendre que l'ancien joueur du Canadien et ancien également agent Gilles Lupien est décédé hier à l'âge de 67 ans. Quoique on s'en attendait beaucoup, il y avait eu des rumeurs comme de quoi que son état de santé était, M. Lupien était gravement malade. En ligne, on va parler avec l'ancien joueur du Canadien Yvon Lambert. Bon après-midi, M. Lambert. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Il fait une maudite belle température. J'imagine dans le coin de Montréal, c'est un peu la même affaire. Bien, nous autres, ici, ça a été nuageux presque toute la journée, mais depuis une heure. Depuis une heure, là, le soleil est réapparu, puis fait très, très beau et très chaud. Le soleil est très chaud. On est en gros 15 jours d'avance, puis heureusement, puis c'est bien le fun. Bien oui, vous êtes chanceux, là, vous autres, de dire ça, 15 jours d'avance. Ouais, 15 jours, 3 semaines, là. Monsieur Lambert, vous avez connu Gilles Lupien qui est décédé hier. Vous avez été son coéquipier pendant 4 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de Gilles Lupien? Eh bien, on peut dire de Gilles Lupien que c'est un gars qui connaissait ses talents. Ses talents étaient mitigés, tu sais. Mais il connaissait son ouvrage. C'était un très, très bon gars d'équipe. Il savait qu'il avait moins de talent que les autres, mais il avait un job à faire. Mm. Et puis, Gilles l'a toujours accepté. Et alors, tu sais, c'est pour ça qu'il a eu la chance. Il a participé, il a travaillé pour. Il a gagné 2 Coupes Stanley. Mais moi, ce que je retiens le plus de Gilles Lupien, c'est son après-carrière. Ouais. Gilles, il a eu toute une après-carrière. Il a toujours défendu les clients, ses hommes au début là, de la classe moyenne. Puis là, il a repêché, il a travaillé. Il y a eu des gars comme Martin Brodeur, Luongo sur sa destinée. Alors, son après-carrière a été extraordinaire. Et, tu sais, Gilles Lupien, on peut dire que Gilles Lupien est décédé millionnaire. Ouais. Alors, il n'y a pas trop de joueurs de hockey, puis d'agents, ben les agents, oui, mais il n'y a pas trop de joueurs de hockey qui peuvent dire ça après une carrière de 4-5 ans dans la Ligue nationale. Oui, c'est sûr. Mais Gilles Lupien, c'était quand même, si je me rappelle bien, c'était un 6e défenseur à peu près, hein? Puis un homme fort qui vraiment là était capable de... C'est un gars qui était 6e, 7e défenseur, puis quand il est arrivé avec le Canadien, on avait Pierre, mais l'année suivante, Pierre Bouchard est parti pour Washington. Okay. Alors, Gilles est tombé le premier défendeur de tous les joueurs. Pierre Mondou était bien content de ça, parce que eux autres, Pierre Mondou et Gilles se sont rencontrés dans la Ligue américaine. Mm. Alors, Pierre Mondou, il avait du respect pour Gilles Lupien, ça n'avait pas de bon sens. Mais Gilles, le talent qu'il avait, un talent limité, comme je l'ai mentionné tantôt, mais c'est un monsieur qui connaissait sa job. Il a toujours travaillé très, très fort. Et on a gagné 2 Coupes Stanley ensemble. Et, il avait un caractère spécial. Mm. Gilles, c'est sûr qu'il avait un caractère très spécial. Okay. Mais C'est un gars d'équipe incroyable et il l'a prouvé avec Canadien de Montréal. C'est un gars en affaires qui, comment que, ben, je sais que vous n'avez pas négocié avec lui, mais c'est un gars qui était droit, je pense, hein, du côté affaires. Côté... C'est un monsieur qui, à cause de son caractère, Gilles, il a toujours été très, très droit, très loyal. C'était pas un gars à deux faces, c'était pas un gars à deux divergences, là. C'est un monsieur, puis lui a fait sa réputation avec ça. Ouais. Alors, il est devenu agent et il y a eu de jeunes joueurs de hockey extraordinaires. Comme Gilles a toujours été fier de ça, d'avoir eu Patrick Lalime, Roberto Luongo, Martin Brodeur. Alors, tu sais, c'est des. Il y a eu. Il a fait son après-carrière, a été extraordinaire. Ouais, félicitations, Gilles Lupien et compagnie. Décédé à l'âge de 67 ans. Monsieur Lambert, puisqu'on vous a, Canadien Toronto, vous avez vécu la dernière série en 79. Ça avait été un walk in the park pour le Canadien. Dans les années 70, il y a eu quelques fois le Canadien Toronto. Hein. Oui, oui, il y avait une certaine... C'est sûr que la rivalité dans cette année existante, c'était Boston, c'était Philadelphie, mais Toronto, en ville canadienne, Toronto-Montréal, c'était la rivalité incroyable, avant que les Nordiques arrivent, là, naturellement. Mais Toronto-Montréal, c'était une très, très bonne rivalité. Et puis, en 79, là, nos deux premiers matchs avaient été faciles, mais les deux... À Toronto, j'avais été en supplémentaire, je crois, et ça avait été, ça a toujours, puis là, je pense que avec l'attrait de tous les médias qui se passent, surtout que Toronto, ça fait une dizaine de jours qu'ils jouent pas, Canadiens, ça fait une semaine, alors les journalistes amplifient, alors la rivalité va revenir, je crois. Et j'espère, j'ai bien hâte au premier match demain soir. Non, oui, c'est sûr. L'époque, du côté des Leafs, il y avait Danny McDonald, il y avait Darryl Sittler, il y avait également Bordieu Salming, Mike Palmateer devant le filet. C'était pas une mauvaise équipe, là, si on compte. Il y avait un très bon club. Oui. Puis eux autres aussi, il y avait un nommé Tiger Williams qui faisait. C'est Roger Nielsen qui était l'entraîneur, je pense. Hein? Oui, puis il y avait. Oh non, Toronto avait un très, très bon club de hockey. Oui. Mais nous autres aussi, par exemple, dans les années 70, on avait toute une équipe. Les autres aussi, il y avait Salming, comme tu viens de le dire, Ian Turnbull. Ouais, Ian Turnbull. Mais nos troisième, quatrième ligne étaient beaucoup supérieures à eux autres. Puis tous les gars qui ont gagné des Coupes Stanley, là, même Gretzky le dit... Puis moi, quand je suis arrivé avec Canadien, Henri Richard, Béliveau, Lafleur, il le dit encore le matin, pour gagner une coupe, ça prend 20 gars. Ouais. Ça prend pas 6 gars, 7 gars, 10 gars. Ça prend 20 gars. Alors, nos 20 gars de 1979, je pense qu'ils étaient plus forts que les 20 gars de Toronto de 1979. OK. Si on parlait un peu, qu'est-ce qui fait que Toronto, c'est une équipe qui est... On dit tout le temps, les Leafs, c'est une équipe qui ne sait pas comment gagner. Il y a comme un spectre autour de cette équipe-là. Hein? Le spectre est que Toronto, depuis quelques années, ils ont fait de très bons choix au repêchage. C'est un club qui est en renouvellement là, depuis 4-5 ans. Mais depuis 3 ans, ils ont ramassé... repêcher de très bons joueurs en Matthews, en Marner. Offensivement, Toronto sont très forts. Mais la question se pose encore. Gardien de but, défenseur. Et je pense encore que Toronto, ça va être toute une série contre les Canadiens. Mais perd ou gagne, je vois pas Toronto en finale. Je vois pas Toronto gagner une Coupe Stanley. Non. Il y a encore d'ouvrages à faire. Ouais. Mais là, présentement, la rivalité va être Montréal. Le focus, là, c'est Montréal-Toronto. Et puis après, on verra. OK. J'ai bien hâte de voir ça. Cole Caulfield, vous l'auriez-tu fait jouer? Je respecte l'opinion à Guy Lafleur aujourd'hui, ouais. mais je respecte énormément aussi Dominique Ducharme. Ouais. L'équipe présentement qu'on a, je suis pas sûr qu'on a les éléments pour jouer deux coéquipiers, pour jouer directement avec Caulfield puis faire une différence. Je suis pas sûr de ça. Okay. Kotkaniemi, puis moi je pense que celui qui fait peut-être le plus mal, c'est Romanov. Ouais. Mais Romanov, il fait des erreurs. Là. Plus que l'année passait, plus qu'il y avait un petit peu plus de difficultés. Puis je pense que pour le début des séries, Duchamp fait confiance à ses vétérans. Ben, vétérans. Un John Merrill, puis l'autre, là, Fallard. Je pense que c'est surtout que Weber revient. Alors, je pense personnellement, surtout le premier match, parce que le premier match, c'est sûr que Toronto va avoir la pression. Mais, si tu mets tes deux jeunes-là, ou un jeune ou deux jeunes contre Toronto le premier match, eux autres aussi auraient été nerveux. Ouais. Eux autres auraient été extrêmement nerveux. Ouais. Tandis que là, Duchamp met des vétérans. Alors, je pense que c'est un bon move de Dominique Duchamp. OK. Ben, M. Lambert, merci beaucoup pour le témoignage pour Gilles Lupien, pour le plaisir de se parler. Merci beaucoup, mon gars. Bonne voilà, fin de soirée. Donc, c'est Lambert, l'ancien coéquipier de Gilles Lupien, qui est décédé hier.